premier temps d'une série de La Fabrique sur la jeunesse et son histoire. Ce matin, jeunesse des années 70 et 80 du XXe siècle. Dans notre série sur la jeunesse, nous vous proposerons demain un documentaire d'Amélie Meffre et de Thomas Duterre sur le rock alternatif. Mercredi, nous traiterons dans notre émission d'archives des jeunesses turbulentes du Moyen-Âge. Et jeudi, de l'histoire de la majorité sexuelle. Et aujourd'hui, nous traiterons dans une émission consacrée, co-animée par Amélie Meffre, de la jeunesse des années 70 et 80. Jeunesse des banlieues, en première partie avec le sociologue Ahmed Boubekker, et qui s'est intéressé aux mouvements sociaux des années 1980 et aux mouvements des banlieues. Puis en seconde partie, nous recevrons Solveig Ster, elle est musicologue, chercheur au CNRS, et Luc Robben, il est historien, professeur à l'université de Bordeaux et musicien, pour parler de la scène punk et de son histoire. Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. 1983. C'est ici, à Vénissieux, aux Minguettes, qu'est né ce pari insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste, en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé, et pourtant c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence. C'est une lutte non violente, et on découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent. On dit marcher, être non violent. Bon, on l'a prouvé aujourd'hui. Qu'on arrête de dire à partir de cet instant qu'aux Minguettes, il n'y a que des violents et des loubards. Kilomètre après kilomètre, le mouvement prend de l'ampleur. Des comités de soutien se créent un peu partout sur leur passage et le message de solidarité passe. Il y a eu des accueils très chaleureux, premièrement. Et bon. Par rapport aux réactions, racistes, il y en a eu trois ou quatre, mais vraiment minimes, hein, c'est pas... Strasbourg, le tournant. Cette fois, ça y est, le pari est définitivement gagné. Georgina Dufoy, secrétaire d'État, se joint au cortège, c'est la reconnaissance officielle. Reconnaître le mouvement, c'est bien, reconnaître des droits, c'est mieux. Et des droits, les marcheurs pour l'égalité en revendiquent plusieurs. Les jeunes... sans faire du sectarisme, les filles immigrées, la condition des filles immigrées, les revendications du droit de vote, de la carte informatisée, en fait, ça englobe toutes les revendications propres aux immigrés. Paris, 3 décembre, 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Les partis de gauche et d'extrême gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres. Les syndicats, les organisations humanitaires, les associations de rapatriés, les institutions juives, catholiques, musulmanes, sont également représentées. Seule l'extrême droite boycotte, elle ne veut pas s'associer à, je cite, une poignée de voyous. 100 000 personnes cet après-midi à Paris, le premier jour à Marseille, ils étaient 32, très précisément. Voilà une archive de 1983 qui résume une sorte de légende, celle de la marche pour l'égalité, généralement plus connue sous le nom de marche des beurs. Bonjour à vous, Amélie Meffre, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous co-animez cette émission donc consacrée aux jeunesses des années 70 et 80 et nous nous trouvons en duplex depuis Lyon avec vous, Ahmed Boubekker, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur de sociologie à l'université Jean Mollet de Saint-Étienne et vous êtes directeur adjoint du centre Max Weber. Vous travaillez depuis longtemps sur cette question en tant que sociologue, donc des mouvements en particulier des années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui, mouvements issus de cette jeunesse dite issue de l'immigration. Si on fait la généalogie de ce que l'on entend ici et qui est effectivement une sorte de légende désormais, cette marche des beurs non violente donc de 1983. Il faut faire remonter cette histoire beaucoup plus haut, selon vous. Vous avez travaillé en particulier sur la question de l'héritage de la guerre d'Algérie dans l'immigration en France. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec une histoire beaucoup plus longue qui remonterait à la fin des années 60 en particulier et des mouvements qui se seraient implantés dans la société française et qui auraient d'une certaine façon eu des renaissances diverses dans les années 70 et 80? Oui, effectivement, la marche correspond à un moment central. Hein, c'est un moment de libération de la parole des jeunes de banlieue qui étaient jusqu'alors inaudibles. Hein. C'est un peu, si vous voulez, le mai 68 des jeunes immigrés, comme dirait mon collègue Abdelali Ajat. Hein. Effectivement, il y a une prise de parole. Et rappelez-vous que Michel de Certeau disait que l'essentiel de mai 68, c'était la prise de parole. On a pris la parole quand il disait on a pris la parole comme en 1789, on a pris la Bastille. C'est ce que disait dans absolument, la prise de parole absolument. Michel de Certeau. Absolument. Et donc, la marche pour l'égalité va être un moment essentiel de prise de parole de cette génération. Alors moi, je suis pas vraiment un spécialiste de la sociologie de la jeunesse, mais il se trouve que j'ai mené l'essentiel de mes travaux sur le suivi d'une génération qui, comme moi, a eu 20 ans au début des années 80. Mmh. Donc, il s'agissait plus précisément d'une jeunesse des quartiers populaires qui n'a plus grand chose à voir, en fait, avec la génération de 68. Hein. Bon, il serait plutôt héritier des Loubards des années 70 que chantaient Lavilliers et Renaud avant qu'il aille embrasser les flics. Mmh. Ou encore héritière des Apaches, hein, pour monter encore plus loin, ou des classes dangereuses comme décrites par Louis Chevalier. Hein. C'était aussi effectivement une génération héritière de l'immigration postcoloniale, dont une grande partie hein, sont des membres, sont français, en vertu du droit du sol, mais qui ont fait l'expérience singulière depuis la fin des années 70 hein, d'être perçus publiquement comme des immigrés, hein, comme des étrangers dans leur propre pays, et même finalement comme les principaux vecteurs d'une politisation un peu hystérique, hein, même complètement hystérique, du débat sur l'immigration dans la France du début des années 80. Alors on n'a jamais su comment les nommer, hein, à défaut de les considérer comme des Français comme les autres, jeunes immigrés, seconde génération, jeunes des banlieues, beurre, sauvageons, racailles, ou jeunes, tout simplement. Alors on se souvient que Bourdieu disait que la jeunesse n'est qu'un mot. Et il disait ça pour souligner que le fait que parler des jeunes comme d'un groupe unitaire, comme d'un groupe doté d'intérêts communs, eh bien ça constitue une manipulation évidente. En effet, quand on fait de la sociologie, on doit toujours souligner que les divisions entre les âges, elles sont toujours arbitraires, car la frontière entre jeunesse et vieillesse, c'est toujours un enjeu de lutte dans toutes les sociétés. On est toujours, en fait, le jeune ou le vieux de quelqu'un. Et donc, la domination peut consister à maintenir un groupe en état de jeunesse, c'est-à-dire d'irresponsabilité, ou de minorité au sens kantien du terme. Donc vous avez bien compris que j'ai plus 20 ans et que la génération des années 80 n'a plus 20 ans non plus. Oui, exactement. Il se rapproche aujourd'hui de la retraite. Hein. Et comme me le disait l'autre jour un de mes collègues, Pascal Vallée, là, qui est un collègue stéphanois, qui a mené une grosse enquête sur un quartier Moreno à Saint-Étienne, un quartier de la banlieue stéphanoise. Il me disait que la visibilité de l'immigration dans ce quartier de banlieue qui pose problème visiblement à Laurent Wauquiez parce qu'il ne se sent plus vraiment chez lui et qu'il fantasme sur le fait que le grand remplacement de la société française serait en cours. Donc il me disait, mon collègue Vallée, que ces immigrés-là sont en fait des Français, donc des anciens jeunes des années 80, qui regardaient comme lui Thierry Lafronde à la télé, mais qui sont restés coincés dans le quartier comme dans une bulle du temps, hein, en situation de précarité et de minorité. Ce qui m'évoque aussi, bien sûr, le problème de ce qu'on appelle les Chibani, hein, les vieux immigrés, sur lequel il y a eu un rapport d'Assemblée nationale en 2014. Ouais, ouais. Donc pour une jeunesse digne, qui est un défi à relever en urgence, c'est le titre du rapport. Et il me semble que ce nouveau problème des Chibani, il s'inscrit dans la continuité directe de celui des jeunes de la seconde génération des années 80, qui n'ont jamais trouvé de place dans la société française. Une question d'Amélie Meffre, Ahmed Boubaker. Oui, Ahmed Boubaker, vous pointez les slogans de ces marcheurs. La violence, c'est d'avoir 20 ans, pas de boulot et les flics sur le dos. Rengainé, on arrive, la chasse est fermée, parce que il y a le chômage, la précarité, vous venez d'en parler, mais il y a aussi la violence policière. Alors ça, c'est une, comment dire, c'est un élément central. C'est un élément central de toute l'actualité des banlieues depuis la fin des années 70 et qui reste, bien entendu, d'actualité. Alors l'emprise de policière sur ces quartiers populaires, elle a été même à l'origine de la plupart des émeutes urbaines. Et donc, au début des années 80, il faut resituer un peu le contexte, hein, la police de certaines communes de banlieue, et notamment sur la région lyonnaise, elle se sent trahie par le gouvernement socialiste qui a décidé de suspendre à l'époque les expulsions. Il faut se souvenir, si vous voulez, qu'à la fin des années 70, on avait près de 5000 expulsions de jeunes vers le Maghreb. Il y en a eu 5000 par an entre 78 et 81. Et c'est l'élection de François Mitterrand qui arrête ces expulsions suite à une grève de la faim qu'avait organisé le père de Lorme à Lyon. Alors, effectivement, aux yeux de l'institution policière à l'époque, ces expulsions de jeunes, elles apparaissaient comme le meilleur moyen de lutter contre ce qu'on appelait à l'époque la délinquance des jeunes immigrés. Effectivement, au début, à Vénissieux, hein, le quartier d'où est partie la marche de 83, au début des années 80, la hiérarchie policière, elle revendique sa volonté de couvrir les bavures des policières, et les rébellions de jeunes sont interprétées comme des phénomènes raciaux, hein, qui sont liés au ce qu'on appelle à l'époque le dépassement d'un seuil de tolérance. En effet, selon l'analyse policière, il y a des archives là-dessus assez précises. La situation du quartier des Minguettes en particulier, hein, les problèmes urbains s'expliquent par des conjugaisons de facteurs socio-économiques, mais aussi par l'incapacité raciale ou culturelle des populations immigrées de s'assimiler aux groupes majoritaires européens. Donc en gros, plus les minoritaires seraient nombreux, plus l'assimilation serait difficile. Et donc c'est comme ça qu'apparaît à l'époque ce thème du seuil de tolérance ou du seuil d'intégration, hein, donc qui apparaît dans les discours policiers. Mais avant même cette marche donc pour l'égalité de 1983, ce que l'on note quand on vous lit, Ahmed Boubekir, parce que vous avez fait vraiment un travail très précis d'évolution des mouvements justement dans ces cités, dans ces banlieues, dans les années 70 et 80, c'est qu'il y a déjà des gens qui chantent dans les concerts de Rock Against Police, donc qui chantent « On ne nous raillera pas d'ici », par exemple. Et il y a déjà des collectifs dont vous dites qu'ils sont informels en 1980, de garçons de cité parisienne, comme Résistance des jeunes immigrés et prolétaires de banlieue, qui se mettent en place avant, justement, cette marche de 1983. Et c'est intéressant, justement, que de vous lire pour montrer, effectivement, que ça n'est pas une sorte de génération spontanée de 1983, ou même les violences policières, et pas simplement policières, qu'il peut y avoir dans ces banlieues de 1982-1983, qui crée de toutes pièces cette marche et ce mouvement. En effet, tout ne commence pas avec la marche de 83 et tout ne se termine pas, fort heureusement, avec la marche de 83. Il y avait auparavant, depuis la fin des années 70, hein, des tentatives d'auto-organisation des jeunes de banlieue, qui s'appelaient à l'époque jeunes immigrés, et qui essayaient effectivement de constituer des groupes pour lutter contre des problèmes qui étaient effectivement liés à l'emprise policière dans les quartiers, aux crimes racistes. Il y avait des crimes racistes et sécuritaires qui se multipliaient à la fin des années 70. Hein. Qui était dû, pour précision pour les auditeurs, c'est pas forcément dû aux policiers. En l'occurrence, ces crimes racistes, ils étaient dus à des tirs de gens qui rentraient dans les cités ou qui tiraient depuis leurs fenêtres sur les jeunes qui se trouvaient en bas des tours. Par exemple, c'était à peu près n'importe qui d'un moment ou un autre pouvait prendre une arme et tirer sur les jeunes des cités, en l'occurrence. C'est bien ça, Ahmed Boubekir? Oui, effectivement. Donc, on a plusieurs dizaines de meurtres à cette époque et ça se démultiplie à la fin des années 70 et au début des années 80. Hein. Et l'un des slogans, d'ailleurs, de la marche, hein, qui arrive à Paris, c'est rengainer, on arrive. Hein. C'est effectivement ce refus, hein, de la banalisation des crimes qui sont liés effectivement aux flingueurs du samedi soir, mais aussi aux bavures policières qui sont aussi très nombreuses à l'époque. Ça va se multiplier dans les années 80. On se souvient aussi notamment de l'affaire Malik Oussekine, qui a beaucoup marqué les consciences parce qu'elle a eu lieu à l'époque du mouvement étudiant de 86. Mais donc c'était à l'époque où le slogan « Plus jamais ça » avait été mis en avant. On se souvient par contre pas beaucoup du fait que les policiers coupables n'ont été condamnés finalement qu'à des peines de sursis. Donc effectivement, ce mouvement apparaît à la fin des années 70, au début des années 80. Il y a déjà, donc avant la marche, des groupes informels qui essayent, si vous voulez, de faire le point sur une communauté d'expérience des jeunes issus d'immigration. Donc on est dans une période où, en fait, si vous voulez, les gens ne se sentent plus vraiment immigrés, même s'il y a un héritage symbolique à assumer. Et en même temps, ils essayent de faire le point sur cette expérience d'en France qu'ils ont vécue. Donc ça passe effectivement par la construction d'une parole publique, d'une parole politique, mais aussi par des formes d'expression culturelle. C'est le début du théâtre, ce qu'on appelait plus tard le théâtre beurre. C'est le début d'une forme de littérature, mais c'est aussi beaucoup la musique. La musique, et notamment des groupes comme Carte de séjour qui émergent à l'époque. On a toute une expression à l'époque. Et vous avez raison de souligner que les premiers collectifs informels vont jouer à la fois de ce rapport entre les concerts informels et, comment dire, les prises de parole publiques. Donc, lier le politique et, comment dire, le loisir, le musical. Ce que sera reprendre SOS Racisme dans une version beaucoup plus large. Amélie Meff. Oui, Ahmed Boubekeur. Avant d'en arriver à la musique, à Carte de séjour, aux concerts, etc., je voudrais savoir, ces jeunes là qui marchent, qui traversent la France, au même moment, il y a quand même des ouvriers de l'automobile qui s'énervent dans les usines. Est-ce qu'ils les rencontrent ? Alors, effectivement, la question est intéressante parce qu'il s'est passé avec la marche de 83. Effectivement, on l'a appelée la marche des beurs. C'est aussi une tentative, si vous voulez, pour séparer les jeunes des quartiers de leur héritage et donc de la génération précédente. Il y a un excellent bouquin de Yvan Jablanka qui s'appelle L'intégration des jeunes et qui explique bien cette construction, si vous voulez, publique et politique de la jeunesse des cités, une espèce de rapt, le rapt des enfants qui s'opérerait justement de la part de la puissance publique. Ça ne va pas marcher parce qu'effectivement les marcheurs ont bien compris qu'on essayait de faire d'eux une génération zéro, une génération qui effectivement serait née de nulle part. Donc ils vont effectivement faire le lien avec ce qui se passait à l'époque à Talbot-Poissy. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'est des licenciements en masse qui vont s'opérer, c'est la grande reconversion de l'industrie. Et donc effectivement les premières victimes du chômage sont les immigrés eux-mêmes, et à l'époque les mouvements sociaux à Talbot-Poissy sont menés par des immigrés. Donc les marcheurs vont aller rencontrer à la fin de 83, ils vont aller rencontrer les grévistes de Talbot-Poissy, ce qui ne sera pas du tout du goût de la ministre de l'époque, Georgina Dufoy, qui leur dira « Vous m'avez trahi, vous m'avez trahi ». Et pourquoi ? Parce que quel est le contenu de cette trahison, selon vous, Ahmed Boubekeur ? C'est-à-dire, c'était justement de refaire le lien avec la génération immigrée, qui était la génération de leurs parents ou de leurs grands frères qui travaillaient en usine. C'était cela qui était considéré comme une trahison, d'après ce que vous avez compris de ce que disait Georgina Dufoy, Ahmed Boubekeur ? Oui, mais en gros, si vous voulez, l'idée, c'est que ces jeunes qui apparaissent au début des années 80, ça commence avec les rodéos des Minguettes. Les rodéos des Minguettes, c'est le festival des voitures brûlées qui s'est joué à l'époque et qui a alerté toute la France. Ça a été les premières émeutes urbaines en France. Donc, ce qui se joue à l'époque, on voit apparaître cette génération qui a jusqu'à présent été confondue avec ses parents. Alors, l'idée à l'époque, c'était le pouvoir socialiste à l'époque, c'est un enjeu central. Et puis, effectivement, il y a tout l'enjeu de réhabilitation des banlieues. Mais par rapport à cette jeunesse, l'idée, c'est de se dire, les enfants, finalement, ils sont intégrables, mais pas les parents. Voilà. Donc, on va choisir les enfants, on va en faire des Français comme les autres. Et par contre, ça peut pas se faire avec les parents qui, eux, sont des travailleurs immigrés, qui, bon, finalement, s'ils ne retournent pas chez eux, en tout cas, c'est pas l'enjeu essentiel. Donc, effectivement, il y a toute une construction du jeune issu de l'immigration qui est érigée en catégorie d'intervention publique pour les besoins pour les besoins de l'intégration, hein, pour faire valoir effectivement la valeur universelle du modèle d'intégration à la française. En gros, le jeune des banlieues, il est institué par les politiques publiques et d'une certaine manière, il est assigné à résidence constituelle. Donc, je cite Jacques Blanquin, je ne résiste pas à l'idée de à l'envie de le citer. Ils existent avant même d'avoir commis un vol, brûlé une voiture, réussi à s'intégrer. C'est pourquoi la République a si profondément besoin d'eux. Mmh. Elle en tire d'une certaine manière, sa raison d'être. Plus ils sont méprisables, plus elle est généreuse. Elle s'efforce de rattacher ces êtres déchus à la société en réglant leur existence et en dessinant leur avenir. Eh bien, ça va plutôt mal se passer parce que les beurs vont pas jouer le jeu. Mmh. Les garçons. Et on va découvrir qu'à la fin des années 80, les filles non plus ne jouent pas le jeu parce que c'est l'affaire des foulards montrera aussi que les filles sont réfractaires finalement à ce paradoxe de l'intégration à la française. Amélie Meffre. Les jeunes réagissent et les jeunes réagissent aussi en créant leurs propres médias. Il y a l'agence de presse Immédiat de Mounis Abdallah. Ça, c'est quand même étonnant comme création. On dit, on a notre propre agence de presse. Si vous voulez du son, si vous voulez des images, vous passez par nous. C'est pas comme ça que... Enfin, je peux en parler en tant qu'acteur. J'idéalise, là. J'étais co-créateur. J'étais très présent avec Mognis lorsqu'on a créé l'agence Immédiat. Non, l'idée à l'époque, elle est partie d'un point central. C'est qu'on avait beau faire, le problème des banlieues et des quartiers, il était lié à un problème d'image. Voilà. Il était lié à un problème d'image. Et d'une certaine manière, l'idée, c'était que les journalistes ne font pas vraiment leur boulot. Ouais. Ils ne font pas vraiment le boulot, ils ne vont pas vraiment dans les quartiers. On se souvient qu'à l'époque, il y avait des reportages un peu sensationnalistes, comme les journalistes de Paris Match qui avaient payé des jeunes pour brûler des voitures. Donc, il y avait tous les stéréotypes dans lesquels étaient enfermés les jeunes des quartiers. L'idée, c'est de se dire qu'il fallait effectivement prendre en charge notre propre image, la prendre en charge et construire effectivement un média qui soit spécialiste de l'immigration et des cultures urbaines. Donc, l'idée, c'était effectivement... Donc on a mis en place un magazine qui s'appelait le magazine de l'agence Immédiat à l'époque. Mais il y avait d'autres médias. Il y avait auparavant le journal de l'immigration qui s'appelait Sans Frontières, qui existait depuis longtemps. Il y a eu des expériences comme Baraka. Il y a eu aussi à l'époque Radio Beurre, qui existe toujours, qui a été mise en place. C'est l'époque, il y a eu d'un foisonnement un peu médiatique, où en fait les jeunes immigrés, ou les jeunes issus de l'immigration, essayent, si vous voulez, de maîtriser leur image publique, mais aussi, si vous voulez, de maîtriser leur récit, qui les concède. C'est une reprise de parole que j'évoquais tout à l'heure. L'idée, c'est de construire cette parole publique et d'en être les seuls interlocuteurs, ne plus être, si vous voulez, les otages des récits des autres. Effectivement, ceux qui se font la voix des sans-voix, pour reprendre l'expression de l'archevêque de Courtrai à l'époque de la grève de la faim des jeunes arabes de Lyon et banlieue. Oui, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, effectivement, de voir, et quand on vous lit, on le redécouvre. On l'a peut-être lu à l'époque, mais on ne s'en souvient plus forcément, combien, par exemple, la distance par rapport aux chrétiens sociaux dont faisait partie le père de Lorme, etc., qui était un de ceux qui ont marché avec les jeunes depuis Marseille jusqu'à Paris. Donc, cette méfiance est assez grande de la part de ces jeunes militants. Ils acceptent effectivement la présence de gens comme le père Delorme, mais en même temps, ils se disent on va être d'une certaine façon objectivés, repris par cette parole généreuse, cette parole qu'ils appellent parfois des Jésus de banlieue. Effectivement, il y a quand j'évoque effectivement la naissance des mouvements militants liés aux banlieues et à l'immigration, l'un des mots d'ordre, c'est l'autonomie. L'auto-organisation. Et l'idée, c'est que pour pouvoir s'envisager soi-même, donc il faut effectivement reprendre la parole et il faut s'opposer à toutes les logiques un peu caritatives, un peu, misérabilistes, de tous les gens qui veulent parler à notre place. Donc ça vise les curés, effectivement. Mais le père Delorme a réussi, effectivement, malgré ça, à faire sa place, Il a même été à l'origine de la marche pour l'égalité. Mmh. Il a été plus qu'un acteur. C'est quand même lui qui a eu l'idée centrale de cette marche. Hein. Et donc, effectivement, contre les curés, mais aussi contre les éducateurs, les travailleurs sociaux, les sociologues, bien entendu aussi, et les journalistes. Une dernière question d'Amélie Meffre pour vous, Ahmed Boubeke. Oui, vous parliez tout à l'heure des groupes hein, de rock, notamment, de cartes de séjour. Il y avait aussi Zama de banlieue. Ça a été important, ça aussi. Bon, on va parler là du punk dans la deuxième partie, et notamment du rock alternatif. Il y a Manu Chao qui s'investit beaucoup dans la caravane des quartiers, par exemple. Ah oui, Manu Chao, je l'ai rencontré à l'époque. Il était très, très investi dans tout ce qui touchait aux bavures policières. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était effectivement dans le 9-3 où on était un peu seul. Il y avait un jeune qui venait de se faire, je ne sais plus exactement, c'était la fin des années 90. Hein. Donc, oui, effectivement, ils sont très présents. Il y a tout un lien qui va s'opérer avec une mouvance un peu rock alternatif à l'époque. Donc, effectivement, carte de séjour, Manu Chao et d'autres encore qui sont très sensibles à ces questions parce qu'ils ont aussi un pied dans la banlieue. Donc on n'est pas encore à l'époque, c'est pas encore l'époque du rap hein, où cet engagement est différent. Mais on a déjà, si vous voulez, cette sensibilité, je dirais, rock au quartier. Et il y a tout un héritage aussi qui s'opère, qui est lié à ça. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de dire que la parole des artistes, la parole des chanteurs, elle ne doit pas être coupée de la construction politique de ces quartiers, de la parole politique dans ces quartiers. Et c'est ce type de lien que vont opérer des groupes comme Rock Against Police dans la région parisienne et Zama de banlieue, qui est un groupe de filles en fait. Hein, c'est un groupe militant de filles, essentiellement fait par des filles. Ils font la même chose dans la région lyonnaise. Et c'est dans ce contexte que vont émerger des groupes comme Carte de Séjour. Mais il y a aussi à l'époque le début de la scène punk. Hein, et effectivement, il y a déjà aussi des groupes qui sont présents dans ces concerts à l'époque. Merci à vous. Ahmed Boubeker, je rappelle que vous êtes entre autres auteur avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel à La Découverte, c'était en 2015, du Grand Repli. Merci d'avoir été avec nous ainsi qu'à nos collègues de Radio France à Lyon qui vous ont accueillis dans leur studio. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais. Voilà un extrait, malheureusement on aurait voulu l'écouter en entier, du Salut à toi des Berruriers Noirs pour cette deuxième partie de cette émission consacrée aux jeunesses des années 70 et 80. Alors on a bien compris avec Ahmed Boubeker, il nous a expliqué que la jeunesse n'existait pas, en particulier dans ces années-là. Mais enfin, en tout cas, on va essayer tout de même de tenir notre discussion avec vous, Luc Robben. Donc, vous êtes historien, professeur à l'université de Bordeaux, musicien aussi. Vous avez participé en particulier à ces scènes dont on va peut-être parler. Oui, donc, cette scène punk et cette histoire de la scène punk. Et puis, Solveig Serre, vous êtes musicologue et chercheur au CNRS. Et vous avez travaillé tous sur cette question de la scène punk, la façon dont elle s'était constituée. Vous avez en particulier coordonné un numéro de l'excellente revue Volume sur ce thème, qui est maintenant il n'est plus disponible, c'est ça le numéro? Il va être réédité. Il va être réédité, ouais. En l'occurrence. Mais vous continuez à travailler sur ces questions avec des séminaires. séminaire, un séminaire que vous, auquel vous, vous avez contribué l'un et l'autre. Donc, c'était à l'école des hautes études en sciences sociales, c'est ça, Luc Robben? Oui, à l'EHESS, on a monté un séminaire qui s'appelle Underground, qui est un séminaire de réflexion plutôt méthodologique, hein, sur le, ce que le travail sur ces terrains sensibles appelle justement comme, comme dimension méthodologique. Mais ce qui est peut-être premier dans notre travail, ce sont les journées d'études qu'on organise. Alors, en dehors de l'EHESS, et qui sont liés à notre projet de recherche, qui s'appelle PIND, Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France, 1976-2016, qui est un projet que nous portons avec Solveig depuis maintenant presque 4 ans, et qui est financé par l'ANR. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors, 76, effectivement, c'est une date, disons, généralement admise pour parler de la scène punk, mais on aurait pu commencer un peu plus tôt, parce que ça commence en 74-75 avec les États-Unis, avec les Ramones, par exemple, et ce qu'on en connaît, c'est généralement 76, parce que effectivement, il y a l'émergence, en particulier en Grande-Bretagne, des Sex Pistols. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le vaccin? Nous, comme on travaillait sur la scène punk en France, 76, ça nous arrangeait bien, parce qu'il y avait le premier festival punk au monde, à Mont-de-Marsan, dans les Landes, qui a même l'antériorité sur les Anglais. Donc, ça nous arrangeait bien. Après, en histoire, il faut toujours trouver des dates. Effectivement, il n'y a pas de génération spontanée, on en parlait tout à l'heure. Donc, bon, 76-2016, ça faisait 40 ans, c'était pratique, mais évidemment, on est obligé de remonter un peu avant. Amélie Meff. On est obligé de remonter un peu avant, mais ce qui est intéressant quand même, parce que balayer 76-2016, 40 ans, c'est beaucoup finalement, parce que on voit qu'il y a des vagues successives, et qu'on peut se dire que là, par exemple, c'est vraiment... la question centrale, c'est est-ce qu'il existe une scène, en fait? Parce qu'il y a des groupes complètement différents, des revendications différentes même. Comment vous arrivez à travailler là-dessus? Alors, c'est une variété d'approches. C'est une très bonne question. Effectivement, sur ce qu'on pourrait appeler la première génération punk, qui globalement est concentré sur des années, c'est très court, hein, 76-78, on est encore dans une explosion avec des groupes qui présentent des spécificités musicales assez variées, en fait, même s'ils se retrouvent tous sur la question de la simplicité, hein, en gros on est sur 3 accords, des morceaux très courts, et on revient à une simplicité, en tout cas c'est comme ça qu'on le théorise, la simplicité originelle du rock. Il est vrai que c'est un mouvement qui est en train de se structurer. Solveig a évoqué Mont-de-Marsan, c'est la meilleure image qu'on puisse donner de ce qu'est à l'époque le fameux do it yourself, c'est-à-dire on a envie de faire un concert punk, on l'organise, on le fait. Voilà. Progressivement, cette scène va se structurer et elle donnera naissance dans la période suivante à ce qu'on a appelé la scène alternative, qui est plus vaste que le punk, mais dont le punk est la matrice originelle. Une scène beaucoup plus structurée, beaucoup plus politisée également. C'est vrai que quand on regarde la création de ce mouvement, on s'aperçoit que la presse y joue un rôle, et en particulier la presse spécialisée, que ce soit Best ou Rock and Folk à l'époque, l'un étant plus en retard que l'autre, visiblement, d'après vos travaux, que sur cette émergence, cette floraison, pourrait-on dire, de musique punk. Mais effectivement, c'est aussi la presse qui va mettre l'estampille, avant même les maisons de disques, qui vont récupérer le mouvement très rapidement en mettant le sauce punk sur à peu près toutes les musiques un peu hard, un peu dur, un peu qui naissent à ce moment-là. Même pas si hard et dur, il y a même des photos de Magma, du chanteur de Magma qui pose devant un mur écrit punk, donc Magma c'est pas quand même de la musique dure. Non, vous avez raison. En fait, on est à une époque où il n'y a pas internet, évidemment, et donc la presse écrite joue un grand rôle. C'est de la musique qui est autant lue qu'écoutée, qui est faite de mots autant que de sons, et c'est vrai que cette presse va, avec un peu de retard néanmoins en France, s'emparer du punk, mettre tout à la sauce punk, et 2 ans plus tard jeter le bébé avec l'eau du bain pour laisser place. Un peu comme on a fait plus tard avec le grunge, avec le grunge est mort, alors que les gens avaient même pas connaissance que le grunge était né, pour la plupart d'entre eux. Non, mais en fait, c'est sûrement ce qui se produit avec toutes les contre-cultures qui sont récupérées et puis mainstreamisées, puis jetées à la poubelle très très vite. Luc Robben? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce rythme médiatique finalement, hein, où on a besoin toujours de nouveautés. Il faut aussi capter un lectorat, et le lectorat de Rock and Folk et Best, c'est la jeunesse. Donc il faut sensibiliser. Et puis il y a quand même la question toujours de l'invention, de la nouveauté. Et voilà, une nouveauté en chasse une autre, pourrait-on dire, médiatiquement parlant. Hein. Amélie Meff. Médiatiquement parlant, on informe aussi par d'autres moyens. On passe pas par la presse spécialisée. Il y a les fameux fanzines. Il y en a énormément. Il y a des radios libres. Alors, dans la première période, les fanzines sont assez rares quand même. Il y en a quelques-uns. Ouais. Hein. Il y a l'Écho des Sauvages qui a été le fanzine créé pendant le Festival Mont-de-Marsan, mais il y en a moins que dans la période suivante. Les années, l'âge d'or des fanzines punk, c'est quand même les années 80. Et puis les radios libres, on sait bien que c'est... Je suis déjà arrivé aux années 80. Donc sur cette période des années 80, oui, bien sûr. Il y a tout un réseau. Le fanzina est quelque chose d'absolument incontournable quand on s'intéresse à cette question de la scène punk et plus largement de la scène alternative. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, c'est cela que, en tant qu'historienne et historien, vous vous attachez à essayer de décrire, c'est-à-dire à la fois cette floraison, cette multiplicité de canaux, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans un espace et dans un autre espace. Ils ont des librairies ou des ils sont marchands de disques, ou même ils sont parfois éditeurs de disques, ils sont aussi organisateurs de concerts, ils sont pour certains d'entre eux chanteurs et chroniqueurs dans des journaux comme Best, et tout cela fait qu'on fait avancer la cause d'une certaine façon, Solvexler. Oui, et on en revient à la notion dont parlait Amélie tout à l'heure de scène, que nous, on n'entend vraiment pas au sens des sociologues, hein, parce qu'on est historien et que voilà, mais au sens des musiciens et des journalistes, c'est-à-dire justement un ensemble d'acteurs mis en réseau, donc qui peuvent aussi bien avoir des labels, chanter, diffuser, etc., qui permet, et avoir un public évidemment, qui permet de recentrer tout ça. Donc là, voilà. Et on présente maintenant Métal Urbain, par exemple, un titre qui s'appelle Panique, qui veut le présenter ? Luc Robert. Alors ben, Métal Urbain, c'est un groupe essentiel justement de cette scène punk. Très original parce qu'il n'y a pas de batteur, c'est une boîte à rythme. Donc le son, parce que on a peut-être oublié de le dire, mais on part vraiment de la musique avec le punk et de l'émotion musicale. C'est ce qui porte tout le reste, y compris le message politique. Voilà, et Métal Urbain est un groupe vraiment essentiel. Groupe français qui, en plus, est allé en Angleterre signer sur le label indépendant Rough Trade. C'est le premier à signer sur Rough Trade, donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. Explose électrique, mutant métallique, tu agresses la ville, tu violes, tu détruis. Vous savez qu'en histoire, on aime bien catégoriser. Quel est, puisque vous travaillez l'une et l'autre, donc Solvexler et Luc Robben, sur la question du punk français, quelle est la particularité de ce punk français par rapport à tous ceux qu'on connaît à l'étranger, en particulier en Grande-Bretagne et aux États-Unis, Solvexler? Ben déjà, très simplement, il est chanté en français, donc c'est une différence fondamentale avec ce qui se passe ailleurs. Et c'est important parce que le punk, de manière générale, en fait, se chante dans la langue maternelle du pays dans lequel il joue. L'autre caractéristique par rapport à l'Angleterre, ben, c'est que la France de Giscard et puis plus tard de Mitterrand, c'est pas celle de Thatcher. Donc, du coup, il y a des spécificités quand même géographiques et territoriales très très fortes qui donnent une connotation bien spécifique. Et c'est une musique blanche tout de même, dont il faut dire qu'elle est vraiment blanche, Luc Robben, ou pas du tout? Oui. Globalement, enfin en tout cas sur les deux premières générations, c'est vrai que c'est une musique essentiellement blanche. Alors et d'ailleurs le constat n'est pas propre à la France. Alors il y a certains pays comme l'Angleterre où ça pourrait davantage se discuter. Aux États-Unis, il y a eu Bad Brains qui est un groupe de punk noir, hein, black, mais globalement, c'est une révolution blanche, c'est Riot Riot chanté par les Clash. Oui. Amélie Meff. Eh bien, c'est toujours cette question, comment on définit qu'un groupe est punk ou pas? Alors nous, pour notre projet, on a pris une définition très large. On a décidé qu'était punk ceux qui se désignaient comme, c'est-à-dire les musiciens qui disent on est où on était parce qu'on peut évoluer dans le temps. Et quand on est désigné par, donc les médias dont on parlait tout à l'heure, les fanzines, les acteurs. C'est pas toujours les mêmes d'ailleurs. Non, on peut être désigné par et ne pas se considérer comme punk. Exactement. Et on peut être punk et ne pas être désigné comme tel. Tout à fait. Donc nous, on a décidé qu'on englobait large et puis après, on fera peut-être du tri, mais on voulait pas s'enfermer justement dans une guerre de qui est punk, qui l'est pas, parce que la mémoire est très vive là-dessus. En fait. Oui, Je vois justement, vous parliez du festival Mont-de-Marsan, Zermati met ça en place, et il décide, enfin, je dis entre guillemets, hein, il décide que les Dogs, par exemple, qui est un grand groupe de rock de Rouen, est punk. Eux, ils ne se sentent pas spécialement punk. Alors, Marc Zermati, faut rétablir juste un élément de vérité. Il a participé, et c'était très important, parce que Zermati avait le carnet d'adresse, hein, des groupes, et notamment anglais. Il a participé avec d'autres, hein, avec André-Marc Dubos, qui était le local de l'étape, Thiollet, et puis La Hanna de Toulouse, donc, qui est toujours dans le circuit. Alors, ensuite, sur la question de la désignation, la vision de Zermati, c'est aussi des groupes qui sont sur son label. Il a créé un label et Skydog. Donc la question des labels est fondamentale. Hein. On peut imaginer que il y a quelqu'un qui crée quelque chose et il désigne les groupes qui sont, dignes d'être, de figurer dans cette vision du monde ou de la musique. Ça paraît tout à fait logique. Au demeurant, les Dogs, c'est à minima un excellent groupe de rock, Bob et d'autres. Voilà. Et ça montre bien au passage, ça illustre bien cette diversité des styles qui nourrissent le punk de première génération. Alors diversité et même avec des sections, pourrait-on dire, assez précises en termes de temps. On semble, quand on lit Pierre Rabou par exemple dans la revue que vous avez coordonnée, qui s'appelle une revue sur volume, donc excellente revue d'histoire de la musique. Eh bien, il y a une première génération du rock, du punk, qui serait plutôt Beaux-Arts, dit-on. Enfin, c'est comme ça qu'on le présente habituellement, et en fait, on peut en discuter. Une deuxième génération qui serait plus militante est venue des milieux populaires. Qu'est-ce qu'il faut en penser, justement, de ces classifications postérieures? Parce que j'imagine qu'elles n'étaient pas pensées comme telles au moment même où le bouillonnement se mettait en place, Solveig Serre. En fait, je pense qu'elles sont à déconstruire, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet. C'est que oui, peut-être que la première vague a été effectivement par certains artis, par certains parisiennes, etc. Mais nous, on voit bien que, en fait, elle est aussi populaire, qu'elle vient aussi des campagnes, qu'elle vient aussi des banlieues. Donc, il y a une espèce de quelque chose de qui contamine tout le territoire de manière très très large, en fait, et qui pour encore beaucoup d'adultes ayant vieilli aujourd'hui, ont représenté quelque chose d'important. Donc c'est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Après, c'est sûr que la deuxième génération, celle de la scène alternative, est beaucoup plus politisée et avec un son aussi, si on revient à la musique, qui est beaucoup plus homogène. Le son, autant au début, c'était assez éclectique avec une volonté de retourner aux sources du rock'n'roll, autant le son de la deuxième génération est quand même facilement reconnaissable et homogène. Et Luc Robin, sur ces questions de génération du punk? Oui, je partage le point de vue évidemment de Solveig, à la fois sur l'homogénéisation du son, même si on peut évidemment reconnaître les groupes, sur la dimension politique aussi de la deuxième génération, et qu'on parle de politique politicienne, c'est-à-dire de textes engagés pour le coup, qui sont plus seulement politiques au sens de la rupture, de la lutte contre l'establishment. Là, on a des thèmes qui vont rentrer. Alors ça fait un peu le lien avec la communication de notre collègue, qui vont rentrer sur la question du racisme, par exemple, sur la question des violences policières, sur la question de l'immigration, etc. Là, on y est, sur cette génération punk. Qui, d'ailleurs, ça commence au début des années 80, s'autodésigne, le virage est lent, mais ça va s'accélérer à partir des années 83, 84, 85, en gros. Et puis, c'est aussi la génération qui s'autodésigne sous le terme de quepon, Donc, on peut aussi regarder, les changements de nom sont assez intéressants, à ce niveau-là. Les changements de nom, c'est intéressant. Et puis, je repense à Aubert Kampf, dont on va entendre le témoignage de Pat Kebra dans le documentaire. Donc lui, il se définit comme punk, c'est très clair. Il se définit comme apolitique, ce qui paraît quand même assez dingue, parce qu'il chante quand même que le pays est gouverné par des croulons. Enfin, c'est très clair qu'il y a une revendication de changer le monde, quoi. Mais il se dit pas du tout rock alternatif. Alors qu'il est... Il finit Aubert Kampf en 85. Mais il est au moment où cette vague alternative est en pleine expansion. Oui, en fait, souvent avec Luc, on dit que, le punk fait partie de la scène alternative, mais est quand même un segment bien distinct. Le rock alternatif, même musicalement, même dans les textes, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il y a toute une partie assez festive, en fait. On peut pas dire qu'il y ait du punk, que les Bérus, ça soit forcément très festif. Hein, c'est beau, un peu plus enragé, etc. Donc, surtout, la scène alternative, la matrice, et surtout le punk, avec tout ce qu'elle a fait dans la génération d'avant, sur l'autoproduction, enfin, jeter toutes les bases de qui va permettre à la scène alternative de s'épanouir. La deuxième remarque qu'on peut faire sur les témoignages et d'un point de vue méthodologique, parce que c'est intéressant, c'est qu'on s'en rend compte, hein, même avec des gens très proches, même avec des gens avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, c'est que la reconstruction du discours dans le temps et de ses propres propositions est un vrai problème quand on travaille scientifiquement. Parce que certains vous disent, oh non, moi j'ai jamais été punk. Ou bon, enfin bon, c'est très très compliqué. Hein. On le sait bien de travailler sur la mémoire, qui est quelque chose de chaud, hein, de sensible. Mais c'est d'ailleurs très intéressant que de voir qu'une génération, et François Guillemot ou d'autres en font partie, une génération est devenue une génération de chercheurs. Ou de chercheuses, et qu'ils objectivent leur propre expérience personnelle. Ça, c'est très intéressant, Solvexer. C'est un peu comme tous ces militants ouvriers qui, dans les années 50 et 60, créent le Métron, et ils participent. Ils sont à la fois militants ouvriers, et ils vont devenir chercheurs sur le mouvement ouvrier. En fait, c'est l'un des principaux résultats du projet, je pense, c'est qu'au début, on était deux ou trois. Et petit à petit, les universitaires ont commencé à faire leur coming out en disant « Ah, il y a un projet sur le punk. En fait, moi aussi, j'étais punk. Il y a Hervé Zenouda. » Vous avez vu sortir les Doc Martens à ce moment-là, oui, c'est ça. Oui, ben, Hervé Zenouda qui est Sticky Toys, qui est maître de conf en infocom à l'université, etc. Donc effectivement, non sans problème, parce que c'est quand même assez compliqué de parler de sa propre mémoire, de son égo-histoire, etc. L'avantage, c'est de pouvoir sortir des archives, peut-être qu'on ne retrouve pas, parce que une des grandes particularités du punk, Luc Robben, c'est justement, on faisait des cassettes auto-enregistrées, on les mettait dans un coin, et ça va devenir de l'archive pour demain. Voilà, alors c'est vrai que la particularité du punk, c'est que les archives ne vous attendent pas aux archives nationales, ni aux archives municipales, faut pas rêver. Donc, une grosse partie de notre travail, ça a été évidemment tout ce travail d'enquête, et même en amont de construction des réseaux. Alors là, c'est pas évident, et même d'un point de vue méthodologique. Donc, faut arriver à se faire accepter, à construire ces réseaux, qui ouvrent des portes sur des placards avec des archives. Certains nous disant, non, moi j'ai rien, et puis 6 mois après, vous sortant des archives parfaitement classées. Donc, c'est quelque chose, il y a tout un travail d'approche qui est extrêmement important. Alors on va continuer à parler de ce post-punk ou de ce rock alternatif demain avec le documentaire que vous avez composé avec Thomas Duterre. On en écoute un extrait tout de suite à Amélie Meffre. Encore. On est gouverné par des couleurs, des choses, des mecs, des grands et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Vas-y, ces messieurs avec les cheveux verts. Ces messieurs avec les cheveux verts. Que la soif arrive, nanana. Il est temps de changer, nanana. Que la soif arrive, nanana. Il est temps de changer, nanana. Alors pourquoi vous arrêtez au Bergkampf? Parce qu'on était épuisés. Et que c'est comme dans un couple, à un moment donné, c'était un enfer. Moi j'avais pas de vie à côté, quoi. De 18 à 25 ans, j'ai fait que ça au Bergkampf. Pas de Québrin. Et je sentais qu'il fallait que je prenne le large. On est arrivé à un état de noirceur qui ne me ressemblait plus, quoi. Et c'est pas très gai, les morceaux. Non. Hein, bah, c'est-à-dire que c'était notre vie, en fait. Donc on était imprégné de cette noirceur et il fallait partir, quoi. Alors vous vous arrêtez en 85, ouais. Pas de Québrin au Bergkampf. On fait notre tournée d'adieu. Mais... je veux dire, arrêtez au moment quand même, ouais, où il y a plein de groupes qui sortent. On ne savait pas. Quand on s'est arrêté, puisque j'en discutais avec Marsu la dernière fois, justement, je dis le punk était mort en 78 avec les Pistoles. Nous, après, on est resté dans un no man's land en France. Les gens, le punk, c'était méprisé. On était passé, les Anglais étaient passés à la New Wave, à Cure, tous ces groupes-là qui étaient intéressants. Il y a eu la vague ska, il y a eu les Stray Cats, tout ça. Nous, en France, le punk n'a pas existé. Et en 85, quand on est mort, on avait vraiment la certitude que le mot punk, jamais on le reverrait nulle part, et que le nom de notre groupe, il était enterré à jamais. C'était vraiment notre impression la plus authentique qu'on a eue à ce moment-là. Et donc on s'arrête sans savoir que un an après, il y allait avoir un oasis dans le rock français qui allait, avec une nouvelle génération qui arrivait, qui est née entre 66 et 72, qui avait 20 ans à l'époque des Béru, eux sont arrivés, ont repris cette musique, ont déterré ce truc-là et ont connu Oberkampf par leur grand frère. Vous l'avez compris, demain, nous nous déboucherons les oreilles en écoutant ce rock alternatif, en l'occurrence, Amélie Meffre. Qui avez-vous dans ce documentaire avec Thomas Duterre? Oh ben, on a Tai Lu, qui était le chanteur de La Souris Déglinguée. On a Marsu, qui s'est occupé des Berruriers Noirs. On a donc Pat Kebra, qui était à Oberkampf. On a aussi des gens qui ont monté un label qui s'appelait Visa. Voilà. Ouais. On va écouter ça, donc le rock alternatif demain dans la Fabrique de l'Histoire, dans cette série sur l'histoire de la jeunesse. Et mercredi, on fera un saut dans le temps, puisqu'on parlera des jeunesses du Moyen-Âge et de la façon dont elles bousculaient les générations plus jeunes. Et jeudi, nous terminerons cette série, nous serons jeudi 8 mars, bien évidemment, sur la question de l'âge de la majorité sexuelle, une question toujours en débat aujourd'hui, mais qui permet d'être historicisée justement à l'occasion de ce débat contemporain. Il est bientôt la fin de cette émission. On va vous remercier, en l'occurrence, Luc Robin et Sol Wexler. On peut vous lire, donc, en l'occurrence, avec ce numéro de volume qui va reparaître bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut lire encore de vous? Oh, tout un tas de choses. On a un site internet du projet qui s'appelle Pound, Punk is not dead. Et s'il y en a qui veulent venir nous écouter, on est avec notre équipe le 17 mars à Rouen pour une journée consacrée à la scène punk à Rouen au Musée des Beaux-Arts. Voilà. Et puis, il faut signaler que vous n'êtes pas seul sur ce domaine, puisqu'il y a des revues post et punk qui ont été fondées par l'université de Leeds, c'est ça? Qui a aussi les Punk Scholars, qui est donc un réseau monté à Birmingham en 2015, qu'il y a le séminaire sur l'histoire du rock qui est aussi dirigé par Florence Tamagne et par Arnaud Bobéro. Enfin, disons qu'on commence à avoir un petit milieu, pourrait-on dire, le Creven qui se multiplie. Bah, et puis on essaie de se connecter. Je vous ai parlé de PSN, Punk Scholar Network, qui est un réseau important d'Angleterre, et on essaie vraiment de monter. On a des projets communs. Et, voilà. Et on est très en retard en France. Voilà, mais on va essayer d'accélérer ce retard et le dépasser désormais. Merci, à demain donc, et à après-demain et jeudi avec vous, Amélie Meffre, et merci à vous, Luc Robin et Sol Wexler. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Emmanuel Morse-Duncan était avec nous aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également dialoguer avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous rejoindre en nous suivant sur Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.